Ça marche? Très bien. Je voudrais juste commencer par dire un mot pour remercier Madame Valérie Bajou pour son invitation et pour l'organisation de cette journée d'études consacrée à Versailles et l'indépendance américaine. Alors, ma présentation aujourd'hui est consacrée à Crèvecœur, un écrivain franco-américain de la fin du XVIIIe siècle. Dans son ouvrage de référence intitulé « Mirage in the West », Durand et Echevarria observent que la guerre d'indépendance fut l'occasion d'une confrontation majeure entre la somme des représentations projetées sur l'Amérique du Nord depuis le début du XVIIIe siècle et une observation directe de cette dernière par des militaires français passés outre-Atlantique afin de se battre aux côtés des insurgés. Il nous reste plusieurs dizaines de récits, de mémoires et de journaux signés par des combattants qui, d'après Durand et Echevarria, n'avaient qu'une très vague idée de ce qui les attendait en Amérique et qui décidèrent de se battre pour une variété de motifs tels que l'ambition de prendre une revanche sur l'Angleterre, l'espoir de progresser dans la hiérarchie militaire ou bien le désir d'échapper à la vie morne des garnisons en se joignant à une croisade en faveur de la liberté. Parmi les témoignages signés par ces combattants, on peut citer les mémoires du marquis de Lafayette, dans lesquelles le héros des deux mondes s'inspire de la guerre des Gaules de Jules César, afin d'évoquer la part décisive qu'il a prise à l'indépendance des États-Unis. Le marquis de Chastelux est également l'auteur d'un ouvrage évoquant son expérience de la Révolution américaine. Après avoir accompagné Rochambeau en Amérique comme chef d'état-major, il publie ses voyages de Monsieur le marquis de Chastelux dans l'Amérique septentrionale en 1786. Néanmoins, parmi les œuvres qui ont dépeint et interprété la guerre d'indépendance, celle qui a connu le succès éditorial le plus éclatant à la fin du XVIIIe siècle est le récit épistolaire d'un Français qui, pour sa part, se trouvait en Amérique bien avant le début du conflit. Il s'agit des lettres d'un cultivateur américain de Michel Saint-John de Crèvecœur, un long ouvrage épistolaire publié en deux volumes en 1784, puis réédité 3 ans plus tard avec un volume supplémentaire, un ouvrage qui a rencontré un très grand succès à travers l'Europe, puisqu'il a été traduit en allemand et diffusé à travers l'Europe entière. Alors, l'expérience de Crèvecœur le distingue des autres commentateurs français de la guerre d'indépendance, puisqu'à l'inverse de ces derniers, Crèvecœur avait déjà passé une partie importante de son existence en Amérique du Nord avant le déclenchement des hostilités entre l'Angleterre et les patriotes américains. Ces années passées outre-Atlantique, 27 au total, expliquent que son texte soit structuré par une logique d'opposition différente de celle qui organise les œuvres de ses compatriotes. Alors que ces derniers confrontent leurs préconceptions au sujet de l'Amérique à la réalité parfois décevante, du moins surprenante, dont ils font l'expérience une fois parvenus dans le Nouveau Monde, c'est davantage une logique de confrontation entre un passé idéalisé et un présent devenu insupportable qui permet de rendre compte des ambiguïtés du discours produit par Crèvecœur au sujet de la guerre d'indépendance. Cependant, les ambiguïtés de ce discours ne sont pas seulement imputables à l'attachement sentimental de Crèvecœur vis-à-vis de la période coloniale, période qui fait l'objet d'une représentation idyllique tout au long des lettres d'un cultivateur américain. Elle s'explique également par le fait qu'à l'inverse de ses compatriotes, le parti auquel sa loyauté revenait est demeuré incertain tout au long du conflit, alors que des gens tels que Lafayette, Chastelux ou bien Alexandre Berthier sont venus en Amérique afin de défendre la cause des insurgés, Crèvecœur a embrassé une position de neutralité entre les deux camps qui singularise davantage encore le discours qu'il produit au sujet de la guerre d'indépendance. En effet, Crèvecœur a d'abord été soupçonné de sympathie loyaliste par les patriotes de la colonie de New York, où il s'était installé des années avant la Révolution américaine dès 1769, avant d'être accusé par le camp opposé, par les Anglais, qui l'emprisonnèrent pendant 2 mois dans la ville de New York au cours de l'été 1779. Ainsi, considéré comme un loyaliste par les uns, comme un patriote par les autres, Crèvecœur est en revanche généralement regardé de nos jours comme un pacifiste, un individu qui, faute d'avoir voulu se rallier à l'un des deux camps, fut l'objet d'une hostilité universelle durant une période qui avait adopté comme mot d'ordre « qui n'est pas avec nous et contre nous ». En effet, dans un article important à mains égards, Marcus Cunliffe remarque « loyaliste est probablement un mot trop fort pour définir la position de Crèvecœur, de même que le terme « collaborateur ». La grande souffrance dont il fit l'expérience s'explique par son absence de position bien définie. Il serait plus juste de parler à son sujet de neutraliste ou de quiétiste, dans une situation qui pourtant ne permettait guère d'être l'un ou l'autre. Il se trouva donc dans la pire situation imaginable au cours de la Révolution. Ainsi, mon intention aujourd'hui consistera à examiner l'ambiguïté constitutive du discours de Crèvecœur au sujet de la guerre d'indépendance. Ce faisant, je poursuivrai un double agenda. Le premier aura pour but d'identifier une forme de double discours dans les lettres d'un cultivateur américain qui consiste simultanément à prêcher en faveur du camp des insurgés tout en se préoccupant de rétablir, au nom du pacifisme, une forme d'équilibre dans la réprobation des deux camps. L'identification de ce double discours me permettra d'en venir, dans un dernier temps, à un second point qui consistera à argumenter en faveur de la redécouverte de cet ouvrage méconnu de nos jours, Les Lettres d'un cultivateur américain, auquel on applique des préconceptions réductrices qui en méconnaissent la complexité, les tensions internes et, en définitive, la littérarité. En effet, alors que le texte publié par Crèvecœur en 1782 sous le titre « Letters from an American Farmer » est très largement étudié de nos jours aux États-Unis et vient même d'être réédité dans une collection prestigieuse par les presses d'Harvard, sa traduction et sa réécriture en français par Crèvecœur lui-même sous le titre « Lettres d'un cultivateur américain » est à peu près oublié des deux côtés de l'Atlantique et n'a jamais été réédité depuis 1787. C'est donc à la version française, dans laquelle la guerre d'indépendance joue un rôle bien plus considérable que dans l'original anglais, que je m'intéresserai aujourd'hui. En effet, alors que les Letters from an American Farmer mettent en scène une Amérique idéale, située en quelque sorte en dehors de l'histoire, avant que la 12e et dernière lettre du recueil mette en scène le brusque surgissement d'une révolution venue détruire l'utopie agrarienne construite par le texte, les Lettres d'un cultivateur américain, quant à elles, laissent une très large place à l'évocation de la Révolution américaine. Ainsi, je vais parler aujourd'hui de l'ambiguïté dans le discours politique des Lettres d'un cultivateur américain. Et avoir cet objectif, c'est aller en quelque sorte contre une idée reçue. En effet, les commentateurs de ce texte ont été nombreux à observer l'existence d'un discours ouvertement favorable aux patriotes. Dans un ouvrage pionnier, Howard C. Rice explique cette option politique par les circonstances de la production du texte. En effet, Crèvecœur publie les lettres d'un cultivateur américain en 1784, soit 3 ans après avoir lui-même quitté l'Amérique du Nord. Après un court séjour en Normandie, il s'installe à Paris, où il devient l'ami de Jacques-Pierre Brissot, le futur dirigeant du parti Girondin, et l'auteur d'un examen critique du récit de voyage publié en 1786 par le marquis de Chastellux, dont je vous ai dit un mot en introduction. Grâce à des relations établies des années plus tôt par son père, Crèvecœur devient par ailleurs le protégé de Madame Doudetot, qui se trouve à cette époque au cœur d'une coterie américanophile où se croisent des personnages aussi éminents que Benjamin Franklin et Thomas Jefferson. Ainsi, c'est grâce au soutien de Madame Doudetot que Crèvecœur est introduit auprès du maréchal de Castries qui, au printemps de 1783, l'invite ici même, à Versailles, afin d'y rédiger un rapport au sujet de la géographie et de l'économie de l'Amérique du Nord. Ce rapport satisfait à tel point le ministre qu'il choisit Crèvecœur pour devenir consul de France à New York, un poste prestigieux qu'il occupe de 1783 à 1792 et qui l'amène alors à fréquenter aux États-Unis les élites de la jeune République. Crèvecœur rencontre Washington, auquel il est présenté par le marquis de Lafayette, et retrouve outre-Atlantique Franklin et Jefferson. Toutefois, la nomination de Crèvecœur au poste de consul aurait suscité, si l'on en croit Brissot, des réactions indignées. Des réactions indignées chez ceux qui n'avaient pas oublié son attentisme au cours de la guerre d'indépendance. Brissot écrit à ce propos. Cette variation dans sa conduite avait inspiré aux républicains un profond mépris pour lui. Ils le regardèrent sinon comme un homme dangereux, au moins comme un homme sans énergie et sans caractère, et plus près de l'esclavage que de la liberté. Les républicains s'étonnaient avec raison que le ministère français eût donné le premier consulat de l'Amérique précisément à un ennemi de la Révolution et de l'indépendance américaine. Crèvecœur, confondu lui-même de son prodigieux succès en France, craignait qu'on ne découvrît le mystère et qu'on ne lui enlevât une place à laquelle il était fort attaché. Ces observations de Brissot démontrent que la publication des lettres d'un cultivateur américain en 1784 eut lieu à une période où Crèvecœur avait tout intérêt à faire oublier l'ambiguïté de son attitude au cours de la guerre d'indépendance et à s'affirmer ainsi le plus ouvertement possible comme un partisan de la République américaine s'il voulait conserver ses responsabilités officielles auprès de cette dernière. Par conséquent, la sympathie exprimée par les lettres de Crèvecœur à l'égard des patriotes serait à la fois une forme de compensation rétrospective vis-à-vis des tergiversations de Crèvecœur durant la guerre d'indépendance, ainsi qu'un gage d'orthodoxie politique présenté à ses protecteurs français comme aux autorités américaines qu'il était amené à fréquenter dans le cadre de ses fonctions consulaires. Néanmoins, ce que je propose de faire aujourd'hui avec vous, c'est de dépasser cette lecture réductrice d'un texte qui consiste à le caricaturer en apologie sans nuance de l'indépendance américaine, sinon en une forme de plaidoyer pro-domo par lequel l'auteur entend se placer rétrospectivement du bon côté de l'histoire. En effet, il est vrai que Crèvecœur n'épargne pas dans ses lettres les compliments qui sentent son homme de cour. On l'entend par exemple qualifier Louis XVI de généreux souverain qui, par l'impulsion de ses forces et l'énergie de ses conseils, a fixé notre indépendance et nous a aidés à repousser le joug de notre cruelle métropole. En revanche, Georges III est décrit pour sa part comme l'instrument de la tyrannie. De même, Crèvecœur multiplie les exemples de la cruauté britannique et n'hésite pas à donner dans les morceaux de bravoure, comme c'est le cas de cette prise à partie de la perfide Albion. « Impitoyable marâtre, crois-tu fonder ta gloire et ton triomphe sur les ruines de nos maisons? Si tu ne peux nous conquérir, pourquoi vouloir nous brûler? Tu ne fais que graver plus profondément dans nos cœurs le désir de secouer ton joug et la haine implacable que nous te portons. Le flambeau de tes sauvages ne consumera pas notre énergie comme ils incendient nos maisons. Notre résistance n'en sera que plus ferme et que plus éclatante. Chaque plantation détruite est une pierre de plus ajoutée à la grande arche de notre liberté et de notre indépendance. Pourtant, ces déclarations tonitruantes en faveur de la cause de l'indépendance ne composent que le discours explicite du texte, que sa surface en quelque sorte. C'est un second discours qui est moins l'envers du premier qu'une remise à niveau des deux parties sur les balances de l'histoire que les lettres d'un cultivateur américain mettent en place de manière implicite. Ce second discours s'observe en particulier dans un chapitre intitulé « Pensée sur la guerre civile », un chapitre auquel la critique ne s'est guère intéressée jusqu'à présent. La détestation des crimes perpétrés par les Britanniques y est exprimée de façon vigoureuse à travers le récit de la destruction d'un établissement fondé un siècle plus tôt par des familles françaises exilées après la malheureuse révocation de l'édit de Nantes. Cependant, il est remarquable que la responsabilité des horreurs de la guerre civile y soit indirectement imputée à ceux qui ont préalablement remis en cause un ordre social préexistant. Comment persuader à l'innocent laboureur, au simple artisan de prêter l'oreille aux nouveaux principes sans enflammer leur passion? Pour les rendre utiles, il faut les agiter et leur donner une énergie qui est toujours funeste aux mœurs. Les lois sont réduites au silence ou bien tout les oblige alors à prononcer de faux oracles et à sanctifier les crimes, déclare le narrateur. Crèvecœur tient ici un propos général sur les origines d'une guerre civile, sans référence spécifique à celle dont il a été témoin. Mais quoiqu'il ne vise pas nommément les patriotes, il n'en demeure pas moins que le sens de son propos demeure clair. Les instigateurs d'un conflit entre les membres d'une même communauté sont coupables de faire dégénérer le respect dû aux lois et à la religion. Alors bien sûr, Crèvecœur n'ignore pas que de semblables convulsions politiques ne manquent jamais d'être justifiées par ceux qui les déclenchent au nom d'un bienfait prétendument supérieur. Ainsi pose-t-il clairement la question des pertes et des profits, engendrés par la guerre. Il nous dépeint donc l'outrage, l'anarchie, l'effusion de sang, il évoque les météores enflammés, les éclairs affreux, la foudre menaçante, les convulsions d'un grand continent, un naufrage général, nous dit-il, puis il demande. Voilà pourtant le prix énorme dont nous nous préparons à acheter la liberté des générations futures. Après tout, un si grand bien peut-il coûter trop cher? Semblable à une vapeur épidémique, la haine contre l'Angleterre s'est emparée de presque tous les cœurs. La douce perspective d'une agriculture étendue, de projets prospères, d'établissements florissants, de populations nouvelles, a disparu pour faire place aux commotions, aux assemblées, aux fureurs de la guerre, à la soif de la vengeance. Ainsi, vous noterez que les deux mouvements de cette réflexion se contredisent. Si le premier affecte d'approuver le discours patriotique des Américains, en justifiant le sang versé au nom de l'intérêt supérieur de la fondation de la nation américaine, le second ne laisse guère de doute sur la conviction profonde de Crèvecœur. En décrivant comme une forme de contagion pernicieuse la haine de l'Angleterre, en esquissant le tableau bucolique de colonies florissantes, hélas réduites en cendres au moment où il parle, il laisse entendre que les patriotes sont coupables d'avoir renversé un édifice social harmonieux au nom de principes abstraits qui ne sauraient légitimer les horreurs insoutenables d'une guerre civile. Ainsi, ce second discours, dont je vous disais qu'il dessine le discours implicite du texte, eh bien, il vient tempérer les ardeurs du premier en faveur des patriotes et de la cause de l'indépendance américaine. Et ce discours implicite, c'est parfois au lecteur de le formuler, et de le formuler en s'interrogeant sur les ruptures, sur les blancs, sur les silences au sein du texte. Ces interruptions brutales, ces silences, viennent en effet indiquer de manière sous-jacente, eh bien, le regret que nourrit Crèvecœur pour la période coloniale. Il vient laisser entendre cette conviction inavouable, inavouable dans les conditions qui sont les siennes de ses responsabilités officielles, cette conviction inavouable, à savoir que l'indépendance des États-Unis, eh bien, ne vaut peut-être pas tout le sang qu'elle a fait verser. C'est en effet la leçon que l'on peut tirer du dénouement d'un texte intitulé « Origine de l'établissement de Socialbourg », un texte publié dans la deuxième édition des Lettres d'un cultivateur américain en 1787. Alors Crèvecœur y met en scène un dialogue entre cinq Européens venus à l'époque coloniale qui résolvent de joindre leurs efforts pour fonder ensemble un établissement. Et dans ce dialogue, il est particulièrement question de la question religieuse. En effet, ces étrangers aux confessions distinctes résolvent de repousser le spectre de la querelle dogmatique en révérant un être suprême au sein d'une église chrétienne, ainsi nommée bien sûr dans un désir d'œcuménisme. En outre, les cinq Européens établissent une convention réglant les détails d'une association dont la suite du texte nous apprend qu'elle donne lieu à un établissement très florissant. Cependant, cet âge d'or où l'harmonie entre les peuples était possible, Crèvecœur nous en fait éprouver la perte aussi soudaine qu'irrémédiable à travers la conclusion cinglante donnée au texte. Cet établissement a été presque entièrement détruit pendant la dernière guerre, nous dit-il. La guerre d'indépendance se trouve donc implicitement blâmée pour avoir provoqué la fin brutale d'une époque où la prospérité pouvait résulter d'une libre association entre des hommes de bonne volonté, d'autant plus que la suite du recueil, intitulée 58 anecdotes, plonge immédiatement le lecteur dans une série de vignettes dépeignant des atrocités survenues au cours de la guerre civile. C'est par conséquent, d'une manière implicite, d'une manière souterraine, que les lettres d'un cultivateur américain font partager les regrets que nourrit leur auteur à l'égard d'une période coloniale durant laquelle, d'après lui, des projets de société fusionnant la tradition utopique et les principes de tolérance religieuse des Lumières pouvaient encore être entrepris. Par conséquent, pourvu que l'on aille au-delà de la rhétorique conventionnelle et que l'on s'attache à ce que disent les lettres d'un cultivateur américain dans leur rupture, dans leur architecture secrète et leur silence, c'est au contraire des apparences à l'expression souterraine d'une neutralité idéologique qu'il faut conclure. Envers et contre tout, et de manière indirecte, lorsque ses responsabilités officielles et ses intérêts privés ne lui permettent plus de s'affirmer comme tel ouvertement, ce n'est ni un patriote, ni un loyaliste que se veut Crèvecœur, mais bien, pour reprendre sa propre expression, un philanthropiste. Alors, pour conclure, je souhaiterais insister sur le fait que la mise en évidence de cette ambiguïté du texte, et notamment de son discours politique dans le cadre de la représentation de l'indépendance américaine au sein des lettres d'un cultivateur américain, s'avère en définitive un argument en faveur d'une réévaluation de leur qualité esthétique, puisqu'elle permet de contester les principes au nom desquels le sort de cet ouvrage est d'ordinaire expédié. Dans un article de 2009, Edward White observe en effet que les écrits français de Crèvecœur souffrent d'être d'ordinaire réduits à de simples documents historiques dont le principal intérêt, dont le principal mérite, consisterait à permettre de combler les trous dans la biographie d'un auteur dont le véritable titre à l'appréciation, l'admiration de la postérité serait d'avoir signé l'original anglais dont je vous ai parlé, les Letters from an American Farmer, en 1782. Toutefois, cette collection de documents serait à prendre avec d'importantes précautions, dans la mesure où Crèvecœur les utiliserait afin de réinventer son passé et de s'y décrire comme un partisan enthousiaste de la cause des insurgés, alors que ces derniers l'avaient soupçonné de loyalisme. En somme, les lettres d'un cultivateur américain seraient esthétiquement inférieures aux textes anglais dont elles sont tirées, sans qu'il soit possible de leur reconnaître un véritable intérêt historique, étant donné que l'auteur s'y inventerait rétrospectivement un rôle plus favorable que celui qu'il a effectivement joué durant la guerre d'indépendance. Ainsi, c'est vraiment cette lecture des lettres d'un cultivateur américain qui est adoptée, un texte qui, d'une certaine manière, perd du côté de l'histoire et perd du côté de la littérature, du moins si l'on en croit ces critiques des deux côtés de l'Atlantique. Mais pourvu que nous mettions au contraire en lumière l'ambiguïté d'un texte qui souligne les mérites de la période coloniale tout en faisant l'apologie de la République américaine, un texte qui blâme les violences perpétrées par les Britanniques, mais toutefois n'oublie pas d'en équilibrer l'évocation par un rappel de celles que les patriotes ont eu également à se reprocher, nous pouvons au contraire argumenter en faveur de la redécouverte de cette œuvre au nom même de ses qualités littéraires. En effet, si nous adoptons comme critère d'appréciation de la littérarité d'un ouvrage la possibilité d'interprétation à la fois cohérente et néanmoins contradictoire, la coexistence de discours qui s'affrontent sans qu'il soit possible jamais de fixer définitivement la vérité du texte, alors les ambiguïtés constitutives des lettres d'un cultivateur américain justifient qu'elles soient lues comme une œuvre d'art véritable, comme un chef-d'œuvre authentique de la fin du XVIIIe siècle et peut-être une des dernières expressions de l'esprit des Lumières. En effet, alors que les Letters from an American Farmer ont commencé à être réétudiées à partir du début du XXe siècle, parce qu'elles permettaient à un moment crucial de penser la question de l'identité américaine au moyen d'une anticipation de la théorie du melting pot, les écrits français de Crèvecœur n'ont pas bénéficié de circonstances historiques favorables à leur découverte, à leur redécouverte plutôt. À l'inverse, c'est même plutôt un événement de l'histoire littéraire française qui a compromis le passage de Crèvecœur à la postérité, puisque la publication d'Atala par Chateaubriand en 1801 a marqué la naissance d'une esthétique nouvelle, tandis que l'encyclopédisme des lettres d'un cultivateur américain, leur dialogue avec la littérature utopique, les rattache directement à la tradition des Lumières. Serait-on au contraire, de remédier à l'oubli dont cet ouvrage a été victime depuis le début du XIXe siècle, en dépit de son fort succès initial, et que les études consacrées à l'œuvre de Crèvecœur, au lieu d'en scinder les deux plans linguistiques, s'attachent enfin à les réconcilier. Je vous remercie.